on n'a pas de journal. Du moins, faudrait-il un comité. C'est moi, citoyen, qui ai pris sur ma tête de vous réunir, dit Matoussin, se levant tout d'un coup. Je vous propose, au nom de l'une et indivisible, de nous constituer en comité secret, et je demande qu'on lui donne dès à présent un nom. Quelqu'un crie. Le comité des jeunes. Oui, oui, le comité des jeunes. Silence, fait Matoussin. Mon rôle est fini. Vous êtes constitué. Le comité des jeunes vit. À vous maintenant de nommer votre président. À demain pour l'élection. Samedi, 12h15. On vient de dépouiller les votes. Vintra. 3 Vintra. C'est la majorité. Nous sommes 5. Frémissement. Je suis appelé à prendre place au fauteuil. Je passe derrière la table, très pâle. Citoyen, je sais à quoi m'engage l'honneur que vous m'imposez. Le président du comité des jeunes doit mourir et marcher à votre tête. Ensuite, être digne de vous. Digne. J'ai l'air de sonner les cloches. Nous nous assemblons en séance ordinaire quelquefois, en séance extraordinaire presque toujours. Je me fatigue vite de tout. Je suis un drôle de garçon. Au bout de 2 mois, je me relâche comme conjuré. Fin novembre 51. Mauvaise nouvelle, privée et publique. J'ai perdu la leçon de mon russe. En politique, le ciel est noir. La République sera assassinée un de ces matins au saut du lit. Nous pouvons entraîner, réunir 10, 20, 30 étudiants. Ne rions pas trop du comité des jeunes. Rire, c'est fini de rire. Dimanche 25 novembre. Nous étions tous réunis chez Renaud. Elles étaient rares, les paroles, et de celles que tout le monde peut entendre, rares et tristes. La neige assourdissait les pas dans la rue. Sans savoir pourquoi, nous avions tous le front chagrin, la poitrine serrée. On ne s'est point disputé ce dimanche-là. Au contraire, il me semble qu'il y avait un rapprochement de cœur entre nous et qu'on se demandait pardon tout bas l'un à l'autre de ce qu'on avait pu se dire de blessant et d'injuste depuis qu'on se connaissait, comme si l'on allait tout d'un coup appelé à se joindre contre le malheur.